Nous ferons tout ce que tu as dit. Le sang est aspergé sur l'autel et l'alliance est scellée pour la vie. Moïse monte dans la nuée, la gloire couvre la montagne et ton feu devient la frontière entre le ciel et la terre. L'alliance coûte la vie, mais elle donne la vie. Par le sang, tu fais de nous ton peuple. Par le feu, cœur aussi bien que la terre.